Chapitre 11. Il y avait une semaine que le deuil était entré dans la maison quand M. Lavoine, par lettre recommandée, exigea le paiement immédiat des terres échues ou l'évacuation des lieux dans la quinzaine. Le peintre ne voulut pas accabler Jeanne en lui annonçant cette nouvelle. Il cacha la lettre et dès le lendemain se rendit à Vilaine. Dressant sa petite taille, le jarret tendu, M. Lavoine se montra féroce. Fouvarc reconnut que cette férocité n'était pas foncière, mais uniquement de principe. M. Lavoine était méchant, comme il était rigide, uniquement par la crainte d'être faible. Et à cause de cela, sa férocité était implacable. Il humilia Fouvarc qui, malgré son mépris pour cet homme, en souffrit. « Quitter, mais c'est impossible, monsieur Lavoine, impossible. Ce que je vous dois, évidemment, c'est quelque chose. » Mais ce n'est rien tout de même comparé à ce que j'ai engagé dans cette maison de ma pensée, de ma vie. Chaque arbre pour moi est un capital qui dort. Je les connais branche par branche. Je sais ce que chaque branche veut dire. En somme, c'est du travail qui est fait, qui n'a plus à être mis sur la toile. Comment pourrais-je vous rendre la maison? Ce serait une année de perdu, ce serait terrible. La bouche de M. Lavoine se fendit avec une joie mauvaise et un rire caustique et bref. Vint cogner les tympans de Fouvarc. Qu'est-ce que vous me chantez là? Qu'est-ce que ça signifie? S'écria-t-il enfin. Que vous êtes devenu le propriétaire de ma maison? Ma foi, vous êtes un drôle de locataire. Fouvarc sentit qu'en effet il parlait au milieu d'un rêve. Ce qui en lui était réalité, la seule réalité, devenait chimère dès qu'il l'exprimait à voix haute devant cet homme au jugement simple et pratique. Allez, reprit Lavoine. « Estimez-vous heureux, mon petit? Un autre vous traînerait à Versailles. Moi, je ne vous saisis même pas. » Fouvarc balbutia quelques paroles de remerciement. Il ne pouvait en effet nier que M. Lavoine eût agi avec lui loyalement. Il demeura écrasé. Les arguments qui lui montaient à la bouche ne contenaient que des sentiments. C'étaient les plaidoiries d'un idéal, d'un cœur, d'un génie peut-être, mais aucune ne pouvait résister à l'examen de cet adversaire, logique mais effroyablement pratique. Fouvarc sonda avec terreur à quel point il était pauvre en face de la vie. Mais allait-il se retirer, accepter la sentence de cet homme? Et après, que ferait-il? Ici, en pleine lutte, aux prises avec un homme actif et confiant, saisi lui-même du sens de la réalité et en même temps d'un certain courage en face des faits précis, il était enclin à admettre bravement, loyalement, la seule solution possible. Mais il savait qu'une fois dehors, quand il faudrait dire à Jeanne déjà si éprouvée, « Nous partons », toute l'énergie qu'il pourrait déployer n'éviterait pas une catastrophe. « Cependant, dit-il, il faut que vous me rendiez justice. Votre maison n'est plus comme lorsque je l'ai prise. On peut dire que je l'ai refaite. J'ai déplacé des murs, construit une verrière, ouvert une porte, bouché des fenêtres, et j'ai tout repeint jusqu'au plafond. « Vous avez fait cela ? S'écria Lavoine avec une colère froide. « Mais je vous ferais mettre en prison si c'était vrai. « Alors vous avez démoli ma maison sans m'en avertir ? Allons, prenez votre chapeau, je veux voir. » Ce qui, pour Fouvarc, était un argument, le seul qu'il eût osé proférer, parce qu'il lui semblait être fondé sur une réalité solide, se retournait contre lui. Et dès que Lavoine eut parlé, il reconnut qu'il avait raison. Pourtant, il essaya de se justifier. Il parla du confort qu'il avait donné à la maison, de son caractère d'originalité. Lavoine marchait d'un pas vif. Ses jambes courtes avançaient raides, rapides, l'une devant l'autre. « Mais vous êtes un insensé, un fou » s'exclamait-il par moments, pour résumer sans doute ses réflexions. « Un insensé, un fou. Vous êtes donc maçon? Vous êtes donc architecte? Vous êtes donc le diable ?» D'un coup d'œil, quand ils furent arrivés à la ferme, il se rendit compte des changements qui y avaient été faits. « Je vois, dit-il, se mettre en colère ne vaut rien, mais dès demain, il faut que vous recommenciez à remettre tout ça en place, sinon gare à vous. » Atterré, Fouvarc s'écria. « Mais il me faudrait 3 mois de travail, c'est impossible, impossible. Voyons, monsieur Lavoine, rendez-vous compte, regardez autour de vous, c'est beau maintenant, c'est beau. » « Eh bien, moi, trancha Lavoine, je ne veux pas que ce soit beau, je veux que ce soit comme c'était. » Et prenez garde, je vous dis, parce que je suis long à me mettre en colère. Mais quand je le suis, je fais du mal. Parce que depuis un an, je me montre conciliant, et que je le suis encore. Vous avez fini par me prendre pour un imbécile. » Le bruit de la discussion avait ameuté la maison. Poteau et Foutrelle étaient descendus d'abord, puis René et Jeanne. En la voyant pâle, maigrie, les yeux enfoncés dans les orbites, pris de pitié et de faiblesse, Fauvarque sentit les larmes lui monter aux yeux. Seul Husselin manquait. Il n'était pas encore rentré de Paris. Fauvarque se recueillit une minute. Concentré, il pesa ce qu'il voulait dire. À cause de Jeanne, il consentit au plus grand sacrifice qu'il put concevoir. « Monsieur Lavoine, dit-il, puisque c'est comme ça, j'aime encore mieux vous payer. »« Me payer ? Vous pouvez donc me payer ? » demanda sévèrement Monsieur Lavoine. « Oui, je peux, et non pas ce que je vous dois, mais 10 fois, 20 fois, 100 fois la somme. Je viens de terminer une fresque, celle que vous voyez là en face. Il y a 10 ans que j'y pense, que je la prépare par des dessins des études. Ceci, c'est l'œuvre la plus parfaite qui me soit sortie des mains. Je vous la donne. » Tous comprirent la grandeur du sacrifice. Jeanne s'apitoya. Elle fut sur le point de crier à Fauvarque. « Pas cela, j'aimerais mieux partir. » Cependant, elle se tut, parce qu'elle ne se sentait pas le courage de souffrir. Mais Lavoine secoua lentement la tête et dit à Fauvarque avec un sourire de mépris. « Parlez-moi sérieusement, comme un homme. »« Vous refusez ? » cria Jeanne, dont le visage se convulsa de colère. « Pas moyen, » murmura Fauvarque découragé. « Pas moyen, mon bon Foutrelle. » « Pas moyen, mon bon poteau. On parle chacun sa langue. Il parle le chinois et je parle français. Ou bien c'est le contraire. Il parle français et moi je parle chinois, je ne sais plus. » Essoufflé, lourd, les mâchoires frémissantes de rage, poteau s'avança vers Monsieur Lavoine. « Quoi ? Vous prétendez, demanda-t-il d'une voix contenue, que vous préférez 2 billets crasseux, 2 billets infects à cette œuvre ? Dites, allons, dites !» Prenez-la, vous, cette fameuse fresque, et donnez-moi les 2 billets, riposta Lavoine. Ils sont comme moi, eux, ils n'ont pas d'argent, dit Fauvarque. Je vois, ils n'ont jamais d'argent, ceux qui font des compliments. Assez, taisez-vous, ne riez pas en parlant à un homme de génie, à un géant. Vous qui n'êtes rien, hurla Poteau. Il refuse, dit Jeanne avec un éclat de rire sinistre. Tous sentaient au milieu d'eux l'absence de Husselin, le seul qui put faire un geste utile. Foutrelle, plus doux, essaya de gagner Lavoine par la persuasion. « Monsieur Lavoine, dit-il, ils se mettent tous en fureur, mais moi, voyez-vous, je veux vous parler calmement. Et je vous jure que Fauvarque est un grand peintre, et que cette fresque, il ne la vendrait pas pour 20 000 francs. « Et si elle ne me plaît pas ? » cria Lavoine. Poteau se précipita sur lui. « Et la lune, est-ce que vous l'aimez ? Et le soleil, et la mer, et les arbres ? Répondez oui ou non. » Vous ne les avez jamais regardés ? Vous ne savez pas de quoi je parle ? Il doit y avoir une fenêtre, elle, quelque part dans votre cervelle, qui est restée fermée. Ouvrez-la, faites entrer la lumière. » Lavoine se tut. Il se raidissait, s'observait, la volonté tendue comme s'il était entouré de fauves. Foutrelle et René voulurent lui rendre confiance. « Je pourrais vous montrer des journaux, lui dit Foutrelle à l'oreille. Des journaux où il est dit de Fauvarque qu'il est le peintre le plus brillant, le plus vigoureux. « Oui, il faut les montrer à Monsieur Lavoine, dit René. Il y en a dans ce meuble, n'est-ce pas, Foutrelle ? » Elle alla ouvrir un tiroir du classeur, réunit un paquet de journaux qu'elle vint apporter au propriétaire. Il les garda en main un instant et alla les poser sur la table. « Vous n'avez pas eu le temps de lire, observa René. « J'ai lu. « Vous lisez vite, fit Jeanne. » À ce moment, les bras de Lavoine s'élevèrent avec violence et il éclata indigné véhément. « À la fin, j'en ai assez. Vous m'embêtez. Je suis ici, au milieu d'une bande d'enfants. Vous n'avez pas l'air de savoir comment va le monde. Je veux ma maison, n'est-ce pas ? Je la veux dans 15 jours. C'est net, et je la veux comme elle était. C'est clair, il y a la loi, n'est-ce pas ? Et parce que vous n'êtes pas au front des fripouilles, je ne saisirai pas. Savez-vous ce que ça veut dire ? Vous pourrez emporter vos affaires ? « Eh bien, je vous les donne, mes affaires, » s'écria Fauvarque. « Le piano, les meubles, les matelas. » Lavoine haussa les épaules. « Votre piano ? Il n'a pas de forme. Les meubles ? Du bois blanc. Vos matelas ? Des paillasses. »« Eh bien, allez-vous-en, alors, » cria Jeanne. Poteau était devenu grave, contenu, dans l'excès de sa douleur. Il suivit Lavoine jusqu'à la porte. « Vous non plus, dit-il, vous n'êtes pas un méchant homme, monsieur Lavoine. » « Mais la bêtise à ce point, c'est du crime. Cela aussi devrait être dans la loi. » Il fixait son regard sur la nuque brune, molle et satinée, et avait le sentiment qu'en la serrant entre deux doigts, il pourrait suspendre la vie de cet homme. Il claqua la grille derrière le petit homme raidi et revint s'affaisser parmi les autres. C'était déjà le soir. Tous ensemble songeaient à ce que pesaient leurs rêves et le monde où ils se maintenaient à force de douleurs.